C'est pas surprise si je dis à m'a chanté pour Pouvez-les mesures qui ont passé Pas quoi m'a j'en film payé Nous pas mou la grande société N'a pour les sujets croisant Dieu maman Plutôt nous chanter souplés Rêler l'espoir côté lié Pour nous pas décourager Quand nous exister Maman chérie C'est où toute vie Détermination Geste tendresse, affection manquée, tout ça cause des situations. Garde l'ange, garde l'ange, c'est que nous tous décaprochés, maman. Contendez-moi de me river, maman, pas gain, jour sacré. L'issoute est à l'exister, la caille flérose pas rentrer. Où est que moi de vrai chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir C'est pas un vie manqué, pareil c'est jour pas nous un peu corriver Où est que moi de vrai chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir C'est pas un vie manqué, pareil c'est jour pas nous un peu corriver Gageant la vie, fais-moi casouiller, fais-moi résiller. J'ai poigné, moi pas coupé, bien maman trimé, la trimé. Coutant des chitans à parler, des putains des pralés, passer maman, tout de suite, faut le gagner, l'eau langer. L'eau sa bon ange, moi aller. Même voler, moi ta voler. Pour cap consoler. Son vieil madame. Bonjour à tous, vous êtes avec EDS dans l'émission Cône et Lambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois de 16h à 17h sur Radio FPP. On voyage un petit peu dans les musiques actuelles de la Caraïbe créolophone, le plus souvent Martinique, Guadeloupe, mais là on a attaqué avec Leila McCalla, une chanteuse américaine d'origine haïtienne. On a écouté le titre Maman, extrait de son album A Day for the Hunter, A Day for the Prey, en français, un jour pour le chasseur, un jour pour la proie, qui vient d'un proverbe haïtien. Et voilà, l'album est sorti en 2016, je vous invite à le découvrir, un univers folk, blues, mais avec pas mal de chansons en créole haïtien. Et on va enchaîner toujours en douceur, on durcira le rythme un peu plus loin dans l'émission, avec un extrait du EP de Dimitri Paul, cette fois on part en Guadeloupe. Dimitri Paul, le EP à l'oreille, c'est-à-dire que tout a été réalisé à la voix, et il chante, il fait du beatbox, différents effets sonores. Allez écouter ça sur son SoundCloud, le titre « Où aimez-moi ?» Ooh. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Où aimez-moi? Où aimez-moi? Où aimez-moi? Où aimez-moi? Où aimez-moi? Où aimez-moi? Moi vais pas partir travailler, moi vais rester et puis moi vais pas partir travailler encore, moi vais rester causer avec doudou laissez-moi nier à ton désir. Laissez pas trop crier, laissez mon blues crier assis téléphone en moi chaque, putain, non, chacun son chien, ça moi, oh. vivre. Chaque fois on casse, j'ai bombé, déjà engagé, les crottes déjà tempé, sous ton bois m'a enragé, l'innocent pas changé. Ou qu'a essayé, sous moi y'a moi fait passer, c'est rythme, faut pas toucher, j'irai devant mon Dieu, c'est la dame pour moi rester. Sous les lignes, si j'aime, ou pas qu'a racheté, non. Pour les préfètes, gratis moi, c'est l'élection bête, pas vu moi, moi, ni tête, pas vu moi, pour mon tête, des masques, tout faux pour faire. Yay, tout bon? Beleza, filme Blas Total, São Paulo, Brasília, Luiz. Ha! O Ede Conte Gazon, bate o chimpa, manhã, tá sempre pué, sempre pué. O Ede Conte Gazon, bate o chimpa, manhã, tá sempre pué, sempre pué. O Ede Conte Gazon, bate o chimpa, manhã, tá sempre pué, sempre pué. O Ede Conte Gazon, bate o chimpa, manhã, tá sempre pué. J'aime des douces, force en mousse, on m'a pou. Qu'est-ce que t'apprends pas, ouais, chou. Pas j'aime quoi d'un bijou, m'a résisté jusqu'au bout. M'a visité Golakou. Racine, moi, son atout qui fait avec quoi fait tout. Un clairé, timoun, nous. Que yo gagne quoi tout. Pensez rêver sans limite, big à coup, elle fait petit. Trop pressé, pas j'aime fou. Je l'ouvre dans la vie. Mandez-moi récolter tout ça qui vont embrasser. Depuis l'amour à rester. Continuez pour rester, si le bagage est arrivé. Conelambi musique jeudi et on voyage encore plus que d'habitude aujourd'hui. À l'instant, Vox Sambou, rappeur d'Haïti, résidant au Canada, il me semble, en combinaison avec une autre résidente canadienne, mais cette fois guadeloupéenne, Malika Tyrolien. Et ils reprennent ensemble un titre de Vox Sambu, My Rhythm, qui était déjà sorti, mais qui revient sur cet album Brazil Session, donc enregistré au Brésil, j'imagine. Et après ce titre, on va encore évoluer rythmiquement vers une électro hip-hop créole, la combinaison de Xolo et Nomis sur une composition de Cyril d'Alexis pour le titre Weekend. Ni en temps pour décompresser, en jaillit moins sans transition. En caille fait comme moins monter, et tout en mis en moins sans condition. Ouh, mais pas ça qui j'en moins, yeah. Tellement cher dans celles sont. Voyager, voilà l'inou si on donne horizon. Nous en week-end, en week-end. Nous en mega fuck on s'y mène. Baby, vini nous en week-end, yeah. En nous danser sans poser une question. Mettre nous en axe, musique la garçon. Déhancher nos paris, la fiction. Baby weekend, la cabane, nos frissons. En vivre tout ton journée. Sentir vibration, la débouler. Pas déranger, moins nous en disons week-end. Stressé non, faut pas oublier ces girls. Ou qu'il passe un bon week-end. L'amour pour l'amour, ni plus aujourd'hui, je n'ai pas ni problème. Relativiser si bien si maintenant, où j'étais à ouais, mettez-vous bien. Coutez que j'en joue basse là, en mettre. Faut nous danser sans poser nos questions. One, two steps, si pisse à sa façon. Qui c'est femme ou grand homme ou c'est tes garçons là, week-end là, ça c'est ensemble, ensemble. Danser ça mettez-vous pression. Vini mettez-vous en action. Non mon ami musique consciente. Vous ça nous prend précaution. Musique la garçon, déhanché ou non, pas ni restriction. Baby weekend, la cabane, nous frissons. En baby, près tout ton journée. Senti vibration à débouler. Pas dérangé, moins nous en disons. Weekend à faire, weekend à faire. And I wake up, there's something to help get me up. I know I can sing a different song to fill up my cup. All the mookie on my poppin', oh yeah, just like me. Honey, I can keep it poppin', sake pour faire. People need to look down deep inside. Something that gives them a sense of pride. Do something that it shifts our destiny. Your eyes got my smile, something a little wild. Your touch, your scent will never fade with time. Destiny. combinaison internationale sur le dernier album du chanteur de soul anglaise Omar. Et là, il rencontre Jean-Michel Rotin de la Guadeloupe. Ça fait suite à un concert qu'ils avaient réalisé en commun en Guadeloupe, Omar et Jean-Michel Rotin. Et ça a donné ce titre Destiny, où la soul rencontre le zouk. Et là, on va partir en Guadeloupe encore. On va écouter un extrait de l'album de Foxy Miller. Son album s'appelle Color. Et il y a une combinaison avec un rappeur que je ne connais pas, Snotty Noise. Mais le texte est excellent. Le titre, Allo Guada Bobo. Guadalambo, si, si, si, si, c'est mon pays, la bataille en bobo. Guadalambo, si, si, si, si, c'est mon pays, la bataille en bobo. Guadalambo. Encore démarrer sans frein, sans refrain, sans seuil, sans frais. Tout seul en sort, qu'ayant moins sans couronne et sans flé. Guada qui a baigné en flamme et moi qui ai moins enflé. C'est en feuille blanc à cracher, flim, en parler pour faire flow, en parlant pour faire flash. Ici ni soleil et plage, ici ni l'oseille et crack. Donc souvent nos pays choisissent bien là on veut faire naufrage. C'est qui pied on veut danser, quand on veut piler pied à frère ou qui a l'issue frère là. Pour on peut dire ou déposer fait là. Parce que de la vie en vaut moins ce qui s'échaîne à ma café là. Parce que si ou paie moi pour un sick, pour un sacoche, pour un sec, pour un joint. C'est un pour canette graisse, moi 5 et Ozeb et quand on veut en dire, ouais. Quand on veut faire, on veut changer les choses. Mais dog, moi ça, il veut se tirer un bel bite à coucou noir. Tirer si un bel joint qu'on wiz. Tirer pour braquer, on entend Christ. Tirer si ou sans mort pour voyer maman pleurer la paroisse. Et qu'a dit, quand nous quoi fait, se comprendre tout jeune Guada, puis c'est travailler un espace vert. Façon ici, ni plus chômé qui pied bois. Allons en l'eau, quand prend un avion, quand voyager, qu'on est loin. Donc quand c'est esclave, quand la guerre paye à yo, pourtant les anciens maîtres. Donc si n'est pas un mes fouettes, si un certain y'a mes fouettes. Qu'on politique est mes fouettes. Et si c'est pas fait en maître, si peu pas moins t'es si en chaise, la France t'es au fait en belle crotte. A défaut, yo quand qu'elle nous en laisse, nous qu'à japper. La allocation rivée, tout le monde capé, eh. Même si ni prise de conscience, faut remplir quatre, si fait sens. Elles ont pas bon, moins nouvelle, elle capé. La Guadeloupe, c'est un nous. Oh, ça s'engueule seulement. Les avis respectés, nous peut pas me cacher. J'y compute mes vipotes et plaide pour seulement. A tes bien vu, sauf qu'on nous propre. A part boire moi tes chandos, fais bel t-shirt pour bel enterrement. Voilà, a qu'à parler en l'eau, mais dans le fond, y'en a foutre. A qu'à zouler ce serment. T'es bien vu, sauf qu'on nous propre. A part boire moi tes chandos, fais bel t-shirt pour bel enterrement. Voilà, a qu'à parler en l'eau, hein. Hein. Allo Guada, ou pas répondre, hein? A quatre idées de qui ben m'étonne, hein? Dis-moi, si tu scoules à erroné. Moi en passant, peut-être c'est moi qui a clore des connes. Renseignez-moi, passant pas sûr. Peut-être Guada c'est pour touristes, peut-être nous c'est la Côte d'Azur. Ou bien c'est moi qui rate un épisode et qui en pays là, ça c'est bien pourtant, c'est confort à les autres. Ça se fait qu'on s'y nous nomme, tout ça c'est faux semblant. Sauver c'est froid, pas d'autres pour admettre, nous peut pas faire semblant. Et hey, ah, yo Skype, attends, attends, baissez son là mon frère. Oh mais nous qu'on record là. On s'est recevoir un message là. Ah ouais, on regarde ça après. Mais oui, tu m'as ça. Mais non, mais tu m'as regardé ça sur vidéo, tu m'as sorti. Ah ouais, on nous poser son là. Attends, attends. Non, on nous poser son là. Attends, attends. Bon, 2 minutes. Ah. Ah. Welcome to the essence. Mon camet vista yo di ole. Daddy mon pa d'accord. I don't own mon mota jaune. Maman kaji li yon paquet si. Mon kapari fode yo one. Daddy mon pa d'accord. I don't own mon mota jaune. Mi yon message rivé. I dit la peste li fo non mwen pa tik kapte. Pour de nier fresh a télécharge. Gade sa man nou kay deliré. Sa sorti sorti fait la pointe mal faux vrai sa pige siple. A incité blan pa suivre l'idée homme. Quand ka vrai ancien homme. Mon nom ka pe en fait mon cadre. Hein dis moi mes mains sales. Mis à faire l'entoir Guadeloupe, notification, cap by see Facebook, y'a pour image, fait un montage, et pas qu'à parler, mon cas de patin, les. Adam, au moment, en vrai, en photo, les madame, la aide, t'y mounaille. En photo, des en bikini, plage rosée, capo au pied, avec toutes en mi-aille. Après que ma tisse a touché, moi, nous cas figé, nous cas être trop loin. Et ça qui pire, et d'adam, ça, c'est le vrai peuple, la délire, si ça, what's up? Pas welcome, on crie, et les sens, what's up? Mon camet, visa, yo, de ole, what's up? Les rimes pas d'accord, pardon, on mon mensage à en l'air. What's up? Maman, cagirer, on paquet, c'est. What's up? Mon capari, folle, yo, en l'air. What's up? Les rimes pas d'accord, pardon, on mon mensage à en l'air. What's up, Nous cabons et prises photo à pesky. Pas voir sa gestie. Hapa moun ka goumessi. On accident qui fait. Black si, black toujours. Pi ba compter ka chanter des fins. Igas ou pas, protibre ou t'es si. Ça oupe, tout veut qu'on fait cinéma. Blague les necks, blague les blancs. Blague les arabes, blague les juifs. Blague les chinois, c'est bien. Mais c'est moi, blague les têtes. Ha Jésus Christ. Mais ça qui cache ou qui moins. C'est des vrais qui j'en ou pas ni limite. Puis ni vis, puis ça sale, puis ça chaud. Puis message là, casse ou qui l'évite. C'est hyper. Williams Café de la Guadeloupe, toujours dans son mélange rap et soul, détricote le phénomène WhatsApp sur cet inédit sorti tout récemment que vous pouvez retrouver sur YouTube, WhatsApp de Williams Café. Et le gars ne chôme pas puisque ça vient tout juste après son projet, sa mixtape Créole Love Session. On en avait déjà passé un extrait. On va écouter un nouveau, une très grosse combinaison Pep en bas soleil avec Mano Di Shango et Dimitri Paul qu'on a pu entendre en début d'émission. Pep en bas soleil. C'est là que déporté, yo pile à l'aigle, yo obligé exilé, c'est nous-mêmes. Les autochtones, les indigènes, indigents, descendants, survivants, bien vivants qui enrichissent l'Occident. Nous entre bêtes à côté, quand c'est qu'à vivre côté l'an, mais en tête qu'à vivre, chikoune, zika, qu'à manger, nous kounons, mais qu'à en dire. C'est nous-mêmes, nous qu'à lever un bel soleil, nous aimer bijoux en soleil, qu'à manger sur vos roseilles, qu'à veiller prier pour défunt. Limine joue défunt, font migrants, s'arrête, fait l'an tout ça, c'est doit être l'esprit à bord toujours dit. Papi tout seul, nous promettre qu'il y en va les sous pour moi sous terre qui dit belle vue, yo bye belle discours, si nous ne pas là, y en vente à bête là, y pour concours. Obligé faire en bas la EV, c'est là qui pas connaître bonjour. Nous c'est Pep en bas soleil. Lastive mon kick up with nous, côté à trafic. Même si l'issue est ici, faut se savoir aussi que tu n'y. Mon kick up, t'es mon aile qui peut courir d'où vos défis. Nous n'y va déjà des coups de douce, oui, nous n'y. Qualité des faux copains que tu veux à d'autres pays, nous. Fier de ça, nous n'y. Si il en nous a pas de bon coin. Nous piquer bradé, même si économie là, dans un point. Nec contre nègre, qu'a bien vu que peuple la jadas. Réalité qu'a dépassé fiction Los Angeles. Aba X-Men, Batman ou Bruce Willis. Que fait un yeba nous, si nous pas capo souhait de nous. Que l'éternel bon nous sagesse, compréhension et puis l'amour. Que nous arrêtez courir, vous venons à nous des pénis sous. Le monde est recommandé, nous consommer casse-tier. Yeah, peuple bas soleil, oui c'est ça nous, yeah. Come on. Nous c'est peuple en bas soleil. Nous c'est peuple en bas soleil. Rap en bas soleil, ta ta ta ta. Nous c'est rap en bas soleil, nous c'est rap en bas soleil. Nous c'est Pep en bas soleil. Conan Ambi, musique jeudi. Petit panorama des musiques actuelles. Martinique, Guadeloupe. Et plus encore aujourd'hui, on est parti vers la diaspora haïtienne. On est parti vers la diaspora antillaise à Londres. Et on va encore vous faire découvrir toutes ces musiques qui sont produites chez nous, mais qui sont très peu exposées. Donc, voilà, c'est l'occasion de se pencher là-dessus. Et justement, aujourd'hui, après cette sélection des nouveautés, des coups de cœur du mois, on va se concentrer sur quatre projets hip-hop créole et plus encore. Mais voilà, c'est vraiment le courant musical que je préfère, donc je vais trahir mes goûts. On va commencer avec l'album de Malkema. L'album s'appelle Soul Eclectic Music et on avait déjà joué un premier morceau qui s'appelait Roger. On va le remettre histoire de se réimprégner de tout ça. Soul Eclectic Music. Tous les jours qu'elle travaille pour faire rentrer billet. Roger, Roger. Pour mettre madame Adjé pour nous taille habillé. Roger, Roger. Les rois week-end rivés, c'est bonnet à piller. Roger, Roger. Mais y'a pas pour elle fêter le 14 juillet. Roger, Roger. Roger pas philosophe. Il va politicien. Pas même demander qui l'a il est. Roger, Roger. Famille aïe ni love. Pour famille aïe aussi. Mais pas pour prendre ni qu'à oublier. Roger, Roger. Le monde qui a parti en coup, mais il passe yo, il passe yo, il passe yo. C'est comment tu bon nous, mais il carry yo, il carry yo, il carry yo. A pas qu'à Roger s'en foutre, mais qu'on veut easy yo, qu'on veut easy yo, qu'on veut easy yo. C'est mon évaillé qui a porté, il passe hyper héros, hyper héros. Je dis something. Pas une monnaie à Roger, pas une monnaie à Roger. Je dis something. Pas une monnaie à Roger, pas une monnaie à Roger. Il pas même ni Facebook, il pas même ni télé. Roger, Roger. Si pas fait ni musique, il déjà sait qu'elle est. Roger, Roger. Mon Dieu, merci, c'est madame qui a trouvé. Roger, Roger. Faut que la raison, il pas ni a rien à prouver. Roger, Roger. Il pas qu'à rouler sinon. Mais ça pas qu'à faire rien. La vie fait des gars profiter. Roger, Roger. Et puis quand on a été mort, je descends. Mais pas pour prendre qui carité. Roger, Roger. Le monde qui a parti en couille, mais il passe yo, il passe yo, il passe yo. C'est qu'à menti bon nous, mais il carry yo, il carry yo, il carry yo. A pas qu'à Roger s'en foutre, mais qu'on veut idiot, qu'on veut idiot, qu'on veut idiot. C'est mon évaillé qui a porté, il passe hyper héros, hyper héros. Je dis something. Pas de monnaie à Roger, pas de monnaie à Roger. Je dis something. Pas de monnaie à Roger, pas de monnaie à Roger. Papa, en te ka bouge kou mama. En te ka cherche l'amour, elle veut l'amitié à tout prix. En me y'a des mondes qui te ni yon vele ta d'esprit. Finalement ka sa rapote moi. Finalement ka sa rapote moi. Trouble, problème, tout seul mes troubles. Ennemi, ennemi. En tenant un rêve, you essayez de dénigrer moi. En bas j'ai fait la trêve, même si gen yo mal parle moi. Yo dis moi tout son café là ça pas qu'à servir à rien. Aïe cherche un travail pour faire. Chérie, chérie, chérie. On est en train de parcourir l'album Soul Eclectic Music de Malkema. Malkema, qui s'est aussi fait appeler pendant un moment Jean-Luc Poya sous son vrai nom. Eh bien, c'est un artiste que vous devez vous en souvenir pour ceux qui étaient aux Antilles, en Guadeloupe, il y a à peu près 20 ans. Il s'est fait connaître avec le hit Babier. Malkema, et en fait, ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas du tout inactif depuis. Aller sur sa page Bandcamp, il y a plusieurs projets déjà disponibles et là il vient de sortir en totale indépendance cet album Soul Eclectic Music. Pour l'instant on n'a pas beaucoup entendu rapper puisqu'il s'essaye au chant, il s'essaye au reggae, au zouk, à la trap, en tout ça en mélangeant avec sa base hip-hop. Et on va écouter quand même un petit peu de rap dans tout ça. D'abord, une combinaison avec un rappeur français, Jaïs, du groupe Afro Jazz, pour ceux qui connaissent le titre Pakatanayen. Et ensuite, une très grosse combinaison avec Manu Dichango et Calico Jazz, anciennement appelé Jazzy J, qu'on a déjà reçu ici à Kodenambi Music Jeudi. Feeling by sipping like I'm feeling by sipping like I'm. Yeah, yeah. Yé là, qui j'en nous frange. Ouais. Bougar là, il capote mon œuvre, il bien. A don pays qui a développé Jean IP, qui piti, qui international, qu'on adresse IP. Ou ça, piti à piti, population qui a vieilli, yeah. Yon pati jeunesse, qui a pati, pour pas j'en gouvigé, nous des cerveaux en entreprise, t'es ton ministère, docteur, finistère, moun qui ni bon maître qui se suit. Bagnon lobby tech changé, ouais. Un banane con, c'est matière grise, nous qu'a exporté. 60% son chômage à dans, c'est là qui pony 25. Solution gars qui aura politique, qui a dans tout tech, ni moun à l'RSA. De ton bas RSA. Si on t'éveille, nous en tout cas, prendre man, ça t'est plus easy. Plus easy. Pas en temps à péter bras et filmer chronique. Tu en temps à bras, kèvre bras, c'est électronique. Savent, malgré tout, ça fait qu'elle nous qu'a resté positif. Béatif, ou j'a savent, obéissez au plus vite. Espoir là, donc jeunesse, qui nous ont pile énergie. Nous qu'a essayé à atteindre, même si nous l'énergie, aha. Nous t'en comprenons, nous complices qu'on déjoue. J'aime 6, mais point GP. Radio là, c'est pour monsieur Gims Boss. Guadeloupe Capone, vous patience pour Vezela. Allez, force, Léonie, tiens, bonne nouvelle. How you been, bro? It's been a while. I'm guessing life is good. Bonne nouvelle. Trying to make it hot, trying to make you proud. Music is my life. Bonne nouvelle. Keep it real, keep it fly. Don't forget about the family. Bonne nouvelle. From side to side, the same struggle, same trouble, but we stay strong together. Qui j'en nous frangin? En là, c'est vrai, misère pas mon pays à blanc là, ni bon plan là, mais ici dans, pas la terre promise, François Hollande qui a glandé en grand, la France toujours en crise. Mais bon, en paix plein de mètres, trop en bien quand même, en cas vivre, ni la santé, c'est essentiel, en BFM. M6, TF1, V France Télévision, chaque fois ils mettent nous son butin, c'est pour prendre nous en dérision, bref. Qui j'en rap créole là? Les mecs ont qu'à craser, mais au nouveau l'école là. L'an y est là, pour nous ne pas connaître nous. Artistes puristes seulement qu'à reconnaître nous. Je dis moi que c'est lui qui l'a tombé en poule. Un petit baillot, bouillon, aïe, ou trapaillot, sinon y'a sous. C'est vrai? T'es des crips, elle veut blood guada? Bon, c'est messieurs, venez encore comme ça. En passant, check eggs, or c'est star, G. Gary. Ask it, dupe, c'est baillot force là. Yes, I. En cas flex, nous ga check after. En pas déconnecté, mais check moi si j'en là. How you been, bro? It's been a while. I'm guessing life is good. Bonne nouvelle, I see that smile. Tryna make it hot, tryna make you proud. Music is my life, bonne nouvelle, music all the time. Keep it real, keep it fly. Don't forget about the family. Bonne nouvelle, from side to side, the same struggle, same trouble, but we stay strong. Quelques extraits de l'album de Malkema, Soul Eclectic Music. À l'instant, une combinaison avec Mano d'Ishango, du Ishango Sound et Calico Jazz. Le morceau « Bonne Nouvelle Out », donne-moi de tes nouvelles, ce qui nous permet de faire un pont direct avec l'album de Boogie Flaha, l'album « Rêve Évolution », puisque sur cet album, il y a aussi un titre « Bon Moins Nouvelle », cette fois en créole martiniquais, avec le même concept. Et cette fois, il va un peu discuter avec Neg Lyrical, Neg Marco Polo. On écoute « Bon Moins Nouvelle ». Jello, bon moi nouvelle avec dans dali. Bon moi nouvelle avec dans dali, moi descend dans dali, moi pas trouvé ma jo. Jello, bon moi c'est moi Michel, voilà, y'a qu'un gadi l'horizon, moi pas boumé dali. Mimique, pacifique, biblique, trafic, chimique, poutronne, pivite, envolé, bon bolet, con, collé, en les donnec, fun, fanec, wanec, savnec, panec, sinec, pamet, sagrec, tanec, pour pièce bête, pas fait la fête là, patate, chat, menti que bien les tipan, jack, milan, jack, si chaque clé au dipap, c'est gunshot, gangsta popote, qu'a trouvé la roll cool, mais popote, qu'a tout n'en cocotte, c'est vie popole, poule, pour la petite l'Elysée, pays à cabanditiser, jumpitiser, VIPiser, privatiser, coloniser, capisser, sans si faut implisser, si c'est fuck, si c'est zo pour sixer. Qui te six c'est fait à fait, bah mon aïtal. Mon la yu ka bay bal, bon en traite ka bay bal. Fais avant d'éveil, on dit pour nous river, faut nous retourner vers son novembre. moun nan pout kou kan naval. Travis parete novice, drog ka fè la navel. An ivet a mwen karete bo wè nevil. Fwè bab vini vil, oblige manevre kon manivel. Krak fè yo file kon nova, yo le kou le peyi a kon batay naval. Jack y met l'univers, kon fè divè o nouvel. Minis vin an avion, dis an avro. Ni vot, i bouzwe, ni vwa. Pou tribilasyon nek viv a tout nivou. Pe pa pro y mol neva dan le mal, babi ka inove. Yout nou vex yo ka onivre matos. Kombien la jan nou van yo apre moudè ne ove ni vol. Desan an vilan wè se panet ka vin avan. Desan an vot la kompanyan wè nof nek an onivre. Danger, bon Dieu, moi en danger au soir. Maman, y'a, moi en danger, toi. Aïe, moi en danger, j'ai danger, en maïla. Choisi un chemin, m'pa bwen m'pa fimen. C'est moi que madame moi, kati m'a pou di men. Nous a mal menen, combat pour menen. Pas n'passer l'en main, di fe kalimen. Yo di glo poisonnen, les jim poisonnen. Poisson poisonnen, tout kon kassonnen. Nous ka décalé, bois pour nous aller. Kouman yo palé, la j'ai déclaré. En c'est la rivière, yo pas corpolier. Koumen bon la terre. Yo pa bétonné, yo di chamaré, c'est pour la pide, nous ni dépité, mais yo limité. Vous entendez en ce moment le Belle Boom Bap de Boogie Flaha, rappeur, compositeur martiniquais. Il a été en combinaison sur le titre En Danger avec Piedru de la M4. On a parlé beaucoup en mars avec une émission spéciale qui lui était consacrée, Boogie Flaha. N'hésitez pas à aller sur archive.org, vous cherchez Musique Jeudi, Boogie Flaha, mars 2017, pour écouter cette très bonne émission. Et on va conclure sur cet album Rêve Evolution dont on a déjà parlé, mais qui mérite encore et encore d'être écouté avec ce mélange entre la musique traditionnelle de Martinique et le hip-hop avec le titre La Idae. La pouille est pas mal, l'argent est fait. Parce que maman était web à Yishia. Boogie Flaha, l'album Rêve Evolution. Je vous ai parlé de la musique, du mélange belle boom bap, mais je pourrais en dire tout autant sur la qualité des textes, des rimes. Allez chercher ça, Rêve Evolution. Et on va enchaîner avec un artiste dans un tout autre style. Là, c'était les deux albums de Malkema, Boogie Flaha. Maintenant, on va se pencher rapidement sur deux mixtapes qu'il vous faut vous procurer. On va démarrer avec l'artiste Fola. Et sa mixtape s'appelle Trap Révolution. Et on va écouter un premier extrait tout de suite. Et on enchaîne après. Yeah, yeah. Trap Revolution. F.O.L.A. 2017. En son autiste. Pour moi, musique, c'est comme ambulance. Dans mon théâtre, on savait qu'il y a un autre côté qui fait un sentir peut-être plus bien. Alors qui c'est rap, trap? Ça va changer rien pour moi. Comment ça veut dire? Hein? Écoutez. En game là, ça, en panier, on le amigo. Artiste original, en pacay, en flow amigos. En TP accéléré, man, caché, c'est dit, de beat, t'es qui c'est, yeah. En low artiste, qui a parlé fort, mais garde bien son aïe, qu'on peut, yeah. En low blabla, rien pas là, en fait trip là, en point trap là. Timouna rap, c'est Timouna hip hop. On l'a no kai, qu'un long café. YouTube, qu'a mangé son nico popcorn. Panier, en low café, sous le popcorn. Gucci, même mété, café sport. Trap révolution, nous veut pas mort. Nous pas senti Atlanta, nous pas senti Chicago, nous pas sorti en bala, mais nous ka fin pour kate ou pia. Nous pas sorti Atlanta, nous pas sorti Chicago, nous pas sorti en bala, mais nous ka fin pour kate ou pia. Codeye n'a pas vitamine, songez comme anti japi. Lil Wayne y puis en ça, ils font cure pour sortir en ça. Pimsy y japati, DJ Scooch japati. Quelle la caralanti, respiration difficile. Chad la lame, dis-moi à qui prix. 5 euros à ton pharmacie, non ça ka coûte pis qui ça. C'est qu'on l'a qui a fini sale. Cerveau là, il a ralenti. Retour là, il pas garanti. Gardez l'horizon pour nous payer. Vrai timon à nous grandi. Nous pas sorti Atlanta, nous pas sorti Chicago. Nous pas sorti en bala, mais nous ka fin pour kate ou pia. Nous pas sorti Atlanta, nous pas sorti Chicago. Nous pas sorti en bala, mais nous ka fin pour kate ou pia. Trap révolution, c'est pas laisser la rue là. Chouye nous. On nous pas fait des yeux, même si des laits nous envie, débrouillez nous. Trap Révolution, nouvelle mixtape de Fola. Codeine n'a pas vitamine. Vous avez vu que Fola reprend simplement le courant musical trap pour avoir, on va dire, un média pour s'adresser aux jeunes, mais on va dire à toute la société, et en détournant les codes un peu trop récurrents de la trap, ce mouvement qui, qu'on le veuille ou pas, a énormément de succès aux Antilles. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Écoutez Trap Révolution de Fola. On va continuer encore avec quelques extraits. On commence avec Papoussa et on enchaînera sur Noma en combinaison avec Flo. Trap Revolution. Ouais, je ne crois vivre là au pays. Ni toi qu'on déjà mort pour que nous vivons d'autres gens. Ah ouais, on peut pas accepter ça. Yeah. Dégresse, c'est pas mort pour ça. Solitude, c'est pas mort pour ça. L'Ukrainette, pas fait la jolle pour ça. De motard, pas parler pour ça. Jésus-Christ, c'est pas mort pour ça. Mais Belgique, c'est pas écrit pour ça. Et Boué, pas goumé pour ça. Non, man, nous faut plus qu'il ça. Nous faut plus qu'il drogue, nous faut plus qu'il la jolle. Nous faut plus qu'il en mort, mais rien pas molle. Pas bon, moi, goûter morceau pain. C'est cuisine là qui en fait contrôle. Contrôle destiné en moi. Pas laisser pour monde destiné en moi. Ni ça qui a trouvé gonne. Puis facilement qui diplôme. Même les ou n'ayant mais out. Ou peut pas travailler en casa. Ni ça qui sorti. En détente, en mouvement, yo was. Loyer et retraite payé. Mais si mon nous qu'a galéré. Même les ou ni en diplôme. Yo là, yo qu'a prend bon plan. Dégresse, c'est pas mort pour ça. Solitude, c'est pas mort pour ça. L'Ukrainette, pas fait la jolle pour ça. De motard, pas parler pour ça. Jésus-Christ, c'est pas mort pour ça. Mais Belgique, c'est pas écrit pour ça. Et Boué, pas goumé pour ça. Non, man, ne faut plus qu'il ça. Ça, un café, la bougre en moins, c'est plus qu'il trappe. Sans Ayoan coulé et apaté ketchup. Rime là, ça, c'est en spécial pour mes. Moi aïe, nous bien plairé, nous bien marché, mais dis-moi qu'a échangé. Wada c'est toujours destination danger. Gardez bien et où que vrai qui monte à mort la rue. Toi petit nec a tombé comme mango qui pomi. Consommation, inégalité et égale violence. Dégresse c'est pas mort pour ça. Solitude c'est pas mort pour ça. L'Ukrainette pas fait la jolle pour ça. De motard pas parler pour ça. Jésus-Christ c'est pas mort pour ça. Mais Belgique c'est pas écrit pour ça. Et Boué pas goumé. Hey yo, Fola, it's one of those right there. for the water you them. Si c'est souple ban moi, des trois petits minutes attends ah ah. Sans la sang peut-être qui est passé en haut à tête tard tard. J'oublie qu'un ange a passé par là pas bien hier soir soir. Avant t'es ni du du ou loulou avant t'es ni pao pao. On savent ça qu'a vu du Snapchat, fait you savent que ni ça la papa. Ou on vit non bas les lits qu'on rap, pour ça péter si Insta qu'on clap. Et tout ça qu'a arrêté entre nous, ou peut voyer des petites photos intimes. Des mains ça qu'a tourné sur Facebook, machaillé pour sa patine machine. Les parents t'es qu'à prendre tête à dans des bras à maman qu'est ou fine. Les amis qui t'es qu'à dire fait ça. Allez la panique, mon copine. Prends ton rang, pas faire rien, qu'il y a regretté. Mon réputation qu'a suivi vous, ouais, ça qu'a arrêté. Il pas envie de travailler, il fait sortir avec les copines. On joue les parents, mais t'es ici, c'est Yodi. Non, moi c'est Liva. Il pas envie de travailler, il fait sortir avec les copines. On joue les parents, mais t'es ici, c'est Yodi. Non, moi c'est Liva. Il caille l'école tous les jours. Les parents, il décourage. Éducation que mettez au doux bout. Non, moi c'est Liva. Il pas envie de travailler, il fait sortir avec les copines. On joue les parents, mais t'es ici, c'est Yodi. Non, moi c'est Niva. Copine, j'ai sorti en boîte. Ou envie sorti FAO. Y'a qu'à parler des noms maillots. Ou envie vivre ça. Sentir libre, sentir sexy. Mais les parents qu'à mettre ça sexy. A qui pite un sac à servir. En plus, ou ni en selfie. Yo, franchement, on qu'à comprendre. Mais ça, c'est on s'attrape. Belle vie, t'es pas chien qu'à faire papa. Tête en feuille, toujours été compact. Ça m'est qu'à peine, ça m'est qu'à partir. Mais éducation, péché parti. C'est passeport pour rêver. Ou qu'est ni temps mouillé l'éval. Ni yon temps pour toucher. C'est au cas être trop vite tout qui mouche. Très bon couplet, très bon couplet de Flo, excusez-moi. Je n'ai pas mis dans la sélection son dernier single d'ailleurs, Kako Rider, on va se rattraper la prochaine fois. Et on termine toujours sur la mixtape Trap Révolution de Fula. Tout à l'heure, on a écouté Malkema avec Ja Eyes dans une combinaison rap créole, rap français. Et bien Fola, lui, a rencontré Nocti du groupe Case Nègre avec le titre Paquet Cadeau. Yeah. Ah ouais. Un matin, j'ai changé des SMS avec ma petite sœur. Yeah. Et je lui dis, profite bien de ta journée parce que demain n'arrivera pas dans un paquet cadeau. C'est ça. Elle me fait, waouh, purée, mais c'est fort ça. Non. Et je me suis dit que c'est vrai. On sait pas ce qui nous attend demain. Chaque jour. Donc, chaque journée est précieuse. Yeah. Je vis ma vie comme un poisson dans l'eau. Certains jours on veut me mettre la tête hors de l'eau. Chaque problème résolu m'enrichit comme de l'or. Demain n'arrivera pas comme un paquet cadeau. Alors je vis ma vie chaque jour comme un poisson dans l'eau. Certains jours on veut me mettre la tête hors de l'eau. Chaque problème résolu m'enrichit comme de l'or. Demain n'arrivera pas comme un paquet cadeau. Seigneur, ils veulent me pisser dessus comme un test de grossesse. Mais je réponds par du rap toujours avec un gros cesse. Des couplets poétiques pour ventiler ma frustration. Ils veulent me faire mordre à l'hameçon mais je suis en formation. Je prends mon mal en patience mais bref passons. Comme je suis pas une salle d'attente, va falloir que tu sortes de ma vie avec des mauvaises vibrations. 24 heures c'est précieux, la grâce me vient des yeux. Les plus beaux trésors ne se voient pas avec les yeux. Rappelle-toi de Jésus, trahis pas un baiser. Moi je t'assure, l'hypocrisie est une tumeur, mais je refuse de cultiver la mer tumeur. Ici pour un regard ou un portable tumeur. Je t'ai dit je t'aime, tu m'as dit non, tu mens. Mais qu'est-ce que je dois faire pour te prouver mon amour? Je n'ai plus de vœux pieux, que tu m'aides à faire mieux. Je vis ma vie comme un poisson dans l'eau. Certains jours on veut me mettre la tête hors de l'eau. Chaque problème résolu m'enrichit comme de l'or. Demain n'arrivera pas comme un paquet cadeau. Alors je vis ma vie chaque jour comme un poisson dans l'eau. Certains jours on veut me mettre la tête hors de l'eau. Chaque problème résolu m'enrichit comme de l'or. Demain n'arrivera pas comme un paquet cadeau. J'suis venu à poil et tu m'as foué. Confiance de l'homme entier. Reste à moi de pas suer le reste. On grandit. J'suis pas venu là pour l'autoroute. Ça c'est le piège. Babylone qui construit. Laisse à César ce qui lui appartient. Saisis, j'connais les saisies. Le froid à l'intérieur des murs. La chaleur naturelle aussi. La définition du mot famille. Nègre, bois et rouge chante. Il leur sert à Kyo. Un mot de plus pour mon cousin, famille et Gilles. Famille le brère. Je regarde à l'horizon, je vois le début. Sûr que même le pire des crackers voit le rêve. C'est dreadlock, situation sans avoir. Je vois la lecture et Babylone. La trappe est solide, l'homme n'a pas l'habitude d'avoir. Et c'est comme ça qu'ils nous tiennent tous, on se tire une poêle dans le pied. La vie un cadeau, ils ont mis un prix sur le papier. Faire de poser avec Fola. La mixtape Trap Révolution de Fola. Et l'heure file vite, on est bientôt à 17h, eh bien, on va quand même passer un petit extrait du dernier projet que je tenais à présenter, la mixtape Fanbase du groupe Ishango Sound, composée de Manu Dishango, qu'on a déjà entendu dans cette heure d'émission, aux côtés de Williams Café, Dimitri Paul, aux côtés de Malke Mike, Aliko Jazz. Eh bien, son groupe s'appelle Ishango Sound. La mixtape Fanbase est gratuite. Et je tiens à préciser, puisque sur ces deux dernières mixtapes, on entend beaucoup de face B plutôt que des compositions originales. C'est voilà un peu à la base du hip-hop, mais il faut vraiment écouter Fanbase puisqu'ils ont réussi à s'approprier complètement ces faces B et aussi à construire une certaine cohérence avec en interlude des personnes comme France Fanon, comme Kevin Durant, Le Grand Écart. On va écouter K Descendre, le premier titre de la mixtape Fanbase d'Ishango Sound. Omniscient comme LBD, Créole, t'as connecté people, juste Helsinki. Vol international, dollar NYC. Volume jazz, venu seul comme NWB. Plus tech, ni technologie comme MIT. Oh, MIT, ils savent d'où c'est VIP. Lumière qu'on dit, Wally, suivre ASCIG. Soundcloud, c'est bon top et CFP. Oh, bomb love, fresh commande, fresh qu'on dit FB. Hashtag team MC, Apprentice team IP. Même le Mouka freestyle, nous pas qu'à tes kits like lui. Vraiment, Kaizi, limité à Dico Spike Lee. Comme ici son nameless, ils sont Orly. Okay. Oh yes, merci, S-A-M-B-A-Z. Lady, je te le mène si c'est nous niveau débit. Many, many, my group, we pon the daily. Ishango Sound, K Descendre, nous brillons ça. Nous les bons hip-hop, science, qu'on job chez Kanta. Oui, je sens qu'à la lyrique sera qu'on s'en ca. Ou pas qu'à voler, nous on a moins qu'on blague Kanta. Ishango Sound, K Descendre, nous brillons ça. Nous les bons hip-hop, science, qu'on job chez Kanta. Oui, je sens qu'à la lyrique sera qu'on s'en ca. Ou pas qu'à voler, nous on a moins qu'on blague Kanta. C'est nous les sauvages, mélodie de barge. Nuit de marronnage, hommage au souvenir de nuit de l'esclavage. Ishango Sound, imperméable clivage. Esthétique, négro, africaine, négritude, héritage. Source pure, ancestrale, essence, ma force de frappe. Dextérité verbale, des impacts sur la ligue de bâche. Rap avec panache, une évidence imparable. Arme astral au mic pour un putain de carnage. Nouvelle offensive en perspective, perceptible. Ma force de majesté, une pyramide, négroïde lucide, toujours solide. Jamal Fines, Manu Dishango, la mixtape Ishango Sound. Merci à tous d'avoir partagé avec nous ces quelques nouveautés. Musique actuelle Martinique, Guadeloupe. C'était Conan Ambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h avec EDS.